Le panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse, réponse A. Une interdiction de stationner, réponse B. Une interdiction de s'arrêter, réponse C. Une interdiction de dépasser, réponse